écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Des questions? Martine, tu es fatiguée? Tu veux dire rentrer? Tu sois à l'aise, tu peux rester avec nous. Tant que le câble ne pète pas, on ne quitte pas. Ça c'est Irène, n'aie pas peur, d'accord? Tu vas aller au travail, même si Jésus va venir, tu travailles. D'accord. Quand le Seigneur Jésus va venir ici, il faut que tu te trouves à ton poste. Oui. Tu dois être fidèle à ton poste, faisant ce que tu es censé faire d'après le Seigneur. Vraiment, j'ai une deuxième question. Oui. Je me suis posé plusieurs questions, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Oui, ne vous inquiétez pas, tu es en face de frère Joseph, il va te donner toutes les réponses. Je me suis demandé une chose, j'ai dit, mais pourquoi les frères, je vais prendre ces termes-là pour qu'on puisse comprendre la chose facilement. Oui. Pourquoi tous les frères, disant prêcher la sainte doctrine, comment on appelle, il y a beaucoup de points de divergence entre eux. Oui. Pourquoi? Bonne question. C'est bon, non? Oui. Je pose la question. Tu as préparé la nourriture, toi, même directement? Est-ce que tu as préparé la nourriture? Tu prépares souvent toi-même dans la mamie, parce que je vais prendre un exemple pour que tu comprennes. Oui. As-tu déjà préparé une sauce? Oui. Tu as mis du sel? Oui. Explique-moi comment tu mets du sel dans la nourriture, dans la sauce. Comment tu mets le sel dans la sauce? Comment? Je mets au fur et à mesure. Allons, on va y aller doucement. Quand tu prends le sel dans ta main, montre-nous comment tu fais. Fais le geste, on voit. Je prends. Et puis je goûte d'abord. Et si c'est pas suffisant, je prends encore. Donc tu prends le sel, tu jettes dans la sauce comme ça. Oui. Donc tu mets dans un endroit. Et tu espères que ça soit salé. Non, je remue après. Tu remues. Et quand tu remues, quand tu goûtes la sauce, est-ce que la salinité est harmonisée? Est-ce que ça prend partout? Est-ce que le sel, ça donne l'harmonie partout? Pourquoi? Parce que la quantité n'est pas suffisante. Alors maintenant, suis attentivement. La quantité de connaissances que Dieu donne à quelqu'un n'est pas la même chose que celui de toute façon. J'arrive. Tu parles de divergence. Je viens de vouloir expliquer que je suis avant d'y arriver. D'accord? Alors, quand tu prends du sel, tu as deux possibilités de le mettre dans la nourriture. Soit tu mets directement dedans et puis tu remues. Soit tu mets en dispersant et par la suite, tu vas toujours remuer. D'accord? C'est comme ça que Dieu, par cette façon, nous remue. Parce qu'il a dit que vous êtes le sel de la terre. Il faut qu'on soit n'importe où pour nous remuer. Comment vous faites? Alléluia. C'est chaud. Hein? C'est chaud. Il y a des gens qui fuient comme ça. Tu fuis, tu dis, ah, je fuis. Tu peux te retrouver quelque part. C'est là où tu comprends plus tard pourquoi tu fuyais même. Oui. Alors que pour toi, dans ton idée, tu fuyais autre chose. Oui. Tu fuis, tu pars là-bas, tu te rends compte qu'arrêté, c'est là-bas où Dieu t'attendait. Tu comprends cela? Quand tu te trouves maintenant, tu commences à comprendre maintenant pourquoi le Seigneur m'a mis ici. Pourtant, c'est toi qui as pris le truc pour venir. Mais quand Joseph, comme nous parlions tout à l'heure dans le cadre du comportement là, quand Joseph a été en Égypte et que plus tard il s'est révélé à ses frères voulaient, ils croient, penser qu'il devait se venger. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, ouvrons cela et lisons. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Namu. Bonsoir. Vous vous sentez à l'aise comme moi, je suis à l'aise. C'est quoi mon frère? C'est chaud. Mon frère à côté m'a dit c'est chaud. Moi, mais j'ai chaud, mon frère. C'est chaud, mais tu as chaud. C'est chaud. Genèse chapitre 50, verset 20. Le verset 20 seulement. Allons-y, lis-nous ça, mon frère. Les mâles qui. Oui, attends, que les gens voient. Genèse, c'est le premier livre. Là, on ne peut pas rater ça. N'allez pas regarder la table de matière pour chercher le Genèse chapitre 50. Vous y êtes, on peut lire. Allons-y maintenant. Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire une bonne chose. Oui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Oui. Pour faire vivre un peuple nombreux. Donc, ces frères se sont réunis, ils avaient peur. Et Dieu dit que le mal que vous comptiez me faire, et Dieu comptait derrière votre mal, d'après la version-ci. Donc, ça dit que vous avez programmé le mal, Dieu a programmé le bien derrière le mal. Vous voyez cela? Ils ont programmé le marque. C'est pour ça, regarde, nous sommes comme ça. Pendant qu'on sont réunis sur nous partageons la parole de Dieu, il y a des bandes de satanistes dans le monde entier qui sont aussi réunis comme ça. Ils disent qu'il y a l'enfant de tel qu'il faut qu'on mange. Je dis amen. Il dit brouda, brouda, brouda. Vous voyez ça? Vous dormez. Vous dormez, on veut vous manger. Vous savez, j'entends la nuit que j'ai entendu mes pieds. Pas vrai, frère? Donc, pendant qu'on fait comme ça, les gens font des programmations. Je pose la question. Quand ils font comme ça, la Bible déclare que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. C'est pour ça qu'ils doivent, travailler dans l'obscurité. Vous voyez? Mais là, quand ils font ça, est-ce que le Dieu des lumières ne voit pas? Imaginez ce que Dieu peut supporter dans son cœur en voyant toutes ces choses comme ça se dérouler. Maintenant, toi et moi, nous ne connaissons pas ça, pas vrai? Mais Dieu est au courant. Donc, pendant qu'on s'en fait comme ça, et quand ils font comme ça, ils programment comme ça pour aller disperser. Dieu les programme dans les campagnes d'évangélisation. Vous voyez, ils programment, ils pêchent un homme qui va envoyer là-bas pour aller disperser. Le jour où Dieu, la personne arrive, et puis Dieu délivre la personne. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé quand j'étais en train de prêcher, je crois en 2000, c'est pas en 2000 combien. Je suis venu, la salle où on avait loué, on était en train de prêcher. J'ai fini de prêcher, je m'apprêtais à partir. J'ai mis ma Bible dans mon sac, j'ai dit à mon épouse qu'on part. Je voulais sortir, le Saint-Esprit dit rentre dans la salle. Je rentre dans la salle, je sais pas ce qui se passe. Je me mets là-bas de chanter. Ton nom est la solution, Jésus. J'étais étonné, il ne savait pas ce qui est arrivé. Entre temps, il y avait une soeur qui venait souvent en prière là-bas. Elle avait emprunté l'ordinateur parce que c'est une étudiante. Ils ont des travaux pratiques qu'elle doit faire dans l'ordinateur. Ils avaient emprunté l'ordinateur d'un garçon et il a donné rendez-vous à ce garçon. Elle a donné rendez-vous à ce garçon-là là-bas. Le garçon étant venu, celle-là était encore en cours pour venir avec son ordinateur. Ce qui fait qu'il était obligé d'assister à la prière. Vous parlez de Dieu. En même temps, je suis à la maison sans prier, Seigneur, tes enfants, manifeste ta gloire, tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Le garçon dont il vient s'asseoir dans la salle, il finit d'enseigner comme naturellement comme j'ai enseigné. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur au milieu, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit fait comme il veut. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, j'ai fini quand Dieu dit. Chanter, on a dû le chanter. Je me vois comment il me pousse dans la santé de marcher en allant. Moi-même, j'étais curieux. En chantant, j'étais en train de regarder dans mon cœur pour savoir exactement où ce qu'il veut faire. Et puis, subitement, pendant qu'on a chanté, ce garçon-là, c'est après que j'ai compris, c'est ce garçon dont il était question. C'est à cause de lui que le Seigneur a demandé compris. Et puis, juste en allant comme ça, je vois le Saint-Esprit m'amène dans cette autre direction-ci. Et le garçon était prosterné comme ça, avec les genoux. Il avait mis sa main sur la chaise blanche. Normalement, on a fini là, de toute façon, c'est salut, ça va, mon frère. Oui. On partait. Le culte venait d'être organisé par Dieu. Et donc là, on était à 22h. On avait commencé à 16h, on a fini à 22h. Donc normalement, 22h, on devait être en train de partir. Voilà le culte de Dieu qui commençait. Et donc, je sens d'aller. Et puis, comme le gars a lavé le dos, il dit ton nom, moi-même, ton nom est là. Ma main s'est allée vers lui, toucher son dos. Quand ça a touché son dos, il a fait. Tous ceux qui chantaient, tout le monde a ouvert les yeux. Les chaises étaient saccagées. C'était le lion qui était à l'intérieur de lui. Wow. Alors, la délivrance a commencé là-bas de 23h jusqu'à 1h. Vous voyez comment Dieu programme les choses. Maintenant, allons-y maintenant doucement. L'ordinateur qui avait été emprunté par cette sœur est prédestiné par Dieu. Le lieu de rendez-vous est prédestiné par Dieu. Donc, il a organisé ces choses pour libérer ces garçons. Ce garçon est en Christ aujourd'hui est fervent. Pourtant, il n'était même pas croyant. Vous entendez ça, frère? Vous entendez, non? Donc, ce garçon a été délivré. Il était là, vous avez. Et puis, quand il s'est tourné, il ne voulait pas entendre ma voix. Et puis, le Saint-Esprit, l'une des choses que j'ai remarqué dans cette délivrance, c'est que le Saint-Esprit faisait qu'il tape seulement mes pieds au sol. Il était dans un coin, il faisait comme ça. Il frappait seulement mon pied. Ce son poursuivi, il ne voulait pas entendre parler. Il ne voulait pas entendre parler. Et puis, j'ai vu une flamme monter au milieu de nous comme ça. Mais normalement, quand vous regardez, vous voyez tout simplement comme il y a le carreau au sol. J'ai dit, amenez-le, mettez-le au milieu là-bas. Mais c'est lui qui sait ce qui s'est passé dans son corps. Quand il s'est positionné là-bas, mais personne ne voyait ce qui s'est passé. Et puis il est tombé, bam, il était libre. Il s'est tourné, regarde déjà, dit, c'est quoi? Il dit, c'est quoi? Il ne savait pas même qu'il était là-bas. Ouais, la miséricorde de Dieu. Amen. Comment Dieu peut programmer les choses? Donc quand vous faites votre programme, vous dites que je programme, fais tes choses, je vais faire tes choses. Et Dieu fait sa part. Il y avait un autre qui était venu, il avait prêché. Il y avait des gens qui ont écouté. Lui, il était catéchiste, catholique. Il donnait les cours de catéchisme. Et puis, les gens sont quittés les catéchismes, venus. J'ai dit tout, j'ai enseigné. Et puis, ils ont allé là-bas. Le gars l'a dit, je m'en vais aller là-bas. Il faut qu'il lui dise les quatre vérités au gars là. Je vais voir qui parle comme ça. Vous savez, les gens qui sont toujours comme ça, ils vont venir me dire quatre vérités. Ils disent quatre vérités, ils viennent là-bas, ils restent. Alors, il est venu aussi. Lui aussi, il était à la fin dans la salle comme ça. Il était là, chacun était assis. Vous voyez, chacun bien propre. Chut, chut, chut, chut, chut. Pourquoi elle pleure là maintenant? Je veux pas dormir. Ma soeur, pourquoi tu l'amènes maintenant dormir? Elle a fait quoi? Pourquoi vous l'amenez à la chambre? C'est pas vous qui dérangez. Vous pensez que c'est vous? C'est pas vous qui dérangez. C'est eux qui dérangent, n'est-ce pas? Même Dieu est derrière. C'était pour qu'on prenne une pause. Manu, viens. Manuela. Attends. Occupé. Attends, va s'asseoir. Elle est fâchée. On peut continuer? Oui, oui. Vous dites qu'il continue? Ok, j'étais où alors? Dans la salle. Vous faites quoi la salle? Avec le gars catéchèse. Ah oui, non, ça veut dire que vous êtes moi. Donc il est venu, il s'est assis. Oui, il est venu me dire quatre vérités. Il s'est assis, il voulait vraiment voir si vous ne me disiez pas ça, il devait continuer autre chose. Le gars est venu, il s'est assis dans la salle. J'ai fini de prêcher, il voulait partir. Une fois de plus, il n'a pas fait la même chose. Et puis, l'une des choses que j'ai remarqué ce jour-là, c'est que j'étais à la porte et puis le Saint-Esprit me dit: celui qui est derrière va t'attaquer. Je me tourne, je le regarde derrière. Il était là calme, mais il faisait. Tu parles de charger. Tu vois le taureau, comment on fait le taureau? On fait les trucs noirs là. Rouge là. Et puis fonce comme ça. Quand les gens disent qu'il faut entrer de s'amuser avec des démons, ils ne comprennent pas ce qu'il a de les dire. Alors, il a commencé dans le couloir comme ça, en venant comme ça. Les frères l'ont arrêté comme ça. Il est trimballé comme des boucs. C'est-à-dire que les gens étaient ici, il est timoré parce que les pieds des gens roulaient au sol comme ça là. Ils sont forts, hein, les démons. Et puis j'ai entendu de ma bouche, et moi-même quand c'est sorti de ma bouche, moi-même j'ai réfléchi quatre fois. Vous voyez comment le raisonnement peut être avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'au fil des années, j'ai appris à lui faire confiance, à le laisser agir. Et puis j'ai entendu de ma bouche: laissez-le. Quand j'ai dit laissez-le, moi-même j'ai entendu comment j'ai dit: laissez-le. On a lâché sa main. Quand on a lâché sa main, il fonçait de toutes ses forces vers moi comme ça. Et puis pendant que foncé, j'étais à la porte, les sœurs étaient là, ils étaient sûrs que je devais fuir. Et puis moi-même normalement, en tant qu'être humain, je devais plutôt fuir que gars, c'est fort. Et puis je me suis rendu compte plutôt que pendant qu'il venait vers moi avec course, j'allais vers lui aussi avec force. Mm-hmm. Et mais j'allais vers lui avec force, j'imagine que, enfin je n'ai jamais pensé s'il voulait donner un coup de peau ou quoi que ce soit. À quelques mètres, j'ai dit au sol, il est allé au sol, boum. J'ai seulement entendu mon doigt aller au sol. Et puis au sol, j'ai dit t'enchaînes là-bas. Il s'est battu au sol fatigué pour s'élever là-bas, pour s'élever. Oui, n'est-ce pas? Mais alors, allons-y encore une fois de plus. Le catéchiste, la décision pour venir là-bas n'est pas de lui. Dieu l'a poussé parce qu'il voulait le libérer. Mais aujourd'hui, c'est le Seigneur, il n'est plus catéchiste. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses propres ennemis. Rentrons maintenant sur ta question du sel. Maintenant, le sel, lorsqu'il est versé dans la marmite, il est censé saler. C'est le but. Quand tu testes, quand ça ne va pas, ça veut dire que l'enseignement n'est pas encore ça. Dieu augmente le niveau pour que les gens comprennent. Il augmente le niveau pour que les gens soient salés. Maintenant, tout à l'heure, nous avons vu la sainteté dans toute notre conduite. Ça fait le temps que quelqu'un responsable réfléchit que non. Là où j'ai fait la fraude, là, il faut que j'arrange ma vie. Le niveau du sel a augmenté. Tu vois ça, frère? Mais maintenant, la situation que tu poses, c'est comment se fait qu'un prédicateur soit par exemple en France, l'autre soit au Canada. Il prêche la sainte doctrine, mais il y a des points de divergence. C'est ça. Et puis la chose la plus grave, c'est que... Et c'est qu'on te dise. Un enseignement peut sortir, par exemple. Moi, à ma compréhension, selon les Écritures, j'ai dit, ben, si tous prêchent la sainte doctrine, si celui-ci n'a pas le niveau de compréhension plus que l'autre, il devrait compléter avec ce que l'autre a dit. Mm-hmm. Celui-là n'a pas eu totalement la révélation sur ce sujet. Mm-hmm. Et l'autre a eu la révélation sur ce sujet, mais ils ne sont pas dans le même pays. L'autre est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté. Mm-hmm. L'autre était censé prendre l'autre pour compléter l'autre sur l'autre part des portions et puis avancer. Mais l'autre dit non, que ça, c'est pas ça. C'est diabolique. Que ça, c'est pas ça. En effet, c'est ce qu'il devrait faire. Parce qu'arrêtez, quand nous avons 2 Pierre chapitre 3, on voit effectivement que l'apôtre Pierre dit et tire le chapeau à l'apôtre Paul par rapport au don de grâce que Dieu lui a donné par rapport à la sagesse. Mm-hmm. Quand il dit comme ça, il ne dit pas que ces choses sont fausses. Il dit en réalité, il y a des points difficiles à comprendre. Ça veut dire que lui-même ne comprend pas. Ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est donc maintenant, on a 2 niveaux d'explication. Mm-hmm. Premier niveau, il y a des gens qui veulent se prêcher pour se faire voir. Ouais. Et qui collectionnent des enseignements selon leurs propres désirs. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter les enseignements, ils prennent ici, après ils partent prêcher. Mm-hmm. Il y a des gens, les pasteurs qui le font. C'est-à-dire qu'ils prennent les enseignements des gens, ils partent prêcher, bien qu'ils ne soient pas appelés. Mm-hmm. Vous voyez cela? Mais qu'est-ce que mon père a promis? Tu veux qu'on peut voir, frère? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est encore chaud, frère? C'est chaud. C'est bon. Amen. Éphésiens, le chapitre 4. Merci. Vous y êtes déjà? Nous allons lire du verset 11 au verset 16. Qui va lire à haute voix alors? Oui. Oui, tu peux lire à haute voix vraiment. Oui, je vais essayer mon frère. Oui. Alors, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les enfants bavardent en bas là-bas. Qui bavarde en bas? Arrêtez ça. Il est quelle heure? Il est presque une heure. Vous devez dormir. Oui. Il faut le laisser avec les enfants. Allons-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Stop. Donc, nous avons un problème ici. Le Saint-Esprit prophétise qu'il y aura l'unité de la foi sur la terre. Mais cette unité de la foi sera occasionnée par, seulement par ceux qui sont appelés de Dieu pour prêcher cela. Tu vois le problème? Mais il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, évangélistes, et prophètes, et pasteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ. C'est seulement eux, et seulement eux-ci, qui peuvent édifier le corps de Christ. Et eux-ci ne peuvent pas se contredire parce que le modèle biblique, Dieu ne se contredit pas dans la Bible. Donc nous avons un problème. Nous avons un problème, le problème de l'appel authentique. C'est vrai. Ouais. Si tu n'as pas l'appel authentique, tu n'auras pas le conseil de Dieu. Maintenant, on commence à avoir des problèmes. Ouais. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, nous voyons Dathan, Abiram et Corée qui se sont levés. Et ils ont dit, Moïse s'élève au milieu du peuple. Tout le peuple de Dieu est saint. Fondamentalement, il avait raison sur ce point doctrinal. Parce qu'ils sont saints. Je suis saint, vous serez saint. C'est ainsi Israël. Moïse s'élève au milieu du peuple. Il a totalement tort parce que Moïse ne s'est jamais élevé. Dieu lui dit, monte sur la montagne, monte. Dit au peuple et il dit. Ouais. À cet instant, il venait s'opposer à Dieu. Tu as vu ça, mon cher? Ouais. Il a dit, nous aussi. Est-ce que, vous voyez, chaque fois qu'on s'oppose, et quand, quoi, il s'appelle, sa grande soeur Myriam et Aaron se sont opposés. Est-ce à lui seul que Dieu parle? Il a même pris une femme éthiopienne. Alors qu'il dit dans la loi qu'on ne doit pas s'approcher de. Tu vois cela? Des étrangers. Tu vois? À cet instant-là, la lèpre est entrée. Maintenant, quel est le problème de Corée, Abiram et autres? C'est les prophéties pour montrer clairement la guerre des positionnements qui devait arriver plus tard dans le ministère. C'est pas ce que tu comprends, frère. Ok. Maintenant, suis-moi attentivement, suivez ma lead doucement. Il faut que ça brûle, André, pour que tu comprennes d'où le mal. Il faut qu'on diagnostique ce mal pour que vous compreniez le plan. On peut avancer là? Ok, maintenant, écoutez très attentivement. La marche du peuple juif et les exactions qu'ils ont eues, les différentes perquisitions qu'ils ont eues, l'église a eu la même marge et aura la même marge. Bien plus, c'est amplifié. Regardez très attentivement. Vous allez remarquer que ces personnes qui se sont autoproclamées donnaient des raisons qui pourraient être valables sur le plan humain. Mais fondamentalement, Dieu ne les avait pas appelées. Tu vois cela? Ok. Est-ce qu'ils connaissaient que le fait que Moïse prenait une égyptienne, enfin une éthiopienne, c'était une prophétie du fait que Christ Jésus devait prendre une nation païenne. Non, il ne connaissait pas. Donc, il lui manquait la révélation. Alléluia. Tu as vu ça, frère? Donc, fondamentalement, sur le plan livresque, il avait raison. Ça veut dire que quelqu'un peut lire l'écriture sur le plan livresque, il croit comprendre. Mais il n'a pas compris la révélation. Parce que la révélation est donnée à ceux qui sont censés comprendre le mystère du royaume. Tu vois ça, mon frère? Donc, lire l'écriture ne se fait pas. Il faut le Saint-Esprit qui l'a initié. Amen. C'est ça que je comprends. Ok. Alors, maintenant, il a donné. Il a donné. Le Seigneur doit avoir donné. Les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le professeur de saints. Si ceux-ci ne sont pas donnés, allons-y maintenant. Étudions-les maintenant pour comprendre ce qu'il en est. S'ils ne sont pas donnés, nous avons lu dans quoi au courant des premières soirées que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Approuvé. Donc, en fin de compte, si quelqu'un se recommande lui-même, le Seigneur ne l'approuvera jamais parce que la signature sera je n'étais jamais point connu. Je n'étais point connu. Bien que tu aies usé de mon nom, bien que tu aies usé, tu aies plutôt usurpé, je n'étais jamais encore connu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il faut forcément et fondamentalement que quelqu'un reçoive d'abord un appel authentique du Seigneur pour avancer. Parce que si tu as reçu un appel authentique du Seigneur, ta marche est guidée par le Saint-Esprit. De telle enseigne que quand cette marche, je crois que c'est toujours ici qu'on nous parlions de l'autorité. Nous avons vu l'autorité. Ici, nous avons vu l'autorité. Nous avons parlé de l'autorité ici. Nous avons vu dans Marc chapitre 13, le verset 34 et 35, que le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole-là comme un homme qui partant en mission a donné à ses serviteurs de la maison l'autorité à chacun sa tâche. La tâche que le Seigneur délègue à chaque personne confère l'autorité automatiquement. Et donc, si le Seigneur ne t'a pas confié une tâche, tu seras en train de mal faire parce qu'un autre va t'utiliser. Et quand un autre t'utilise, c'est pour créer la zizanie dans le corps. Donc, il y a une confusion maintenant parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés, qui se proclament tels. On se comprend? Et le vrai problème, c'est qu'ils ne vont pas venir prêcher Satan, ils vont prêcher Jésus. Vous savez, frère? C'est le chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Venons au chapitre 1 d'abord. Oui. Si chapitre 1, commencez le verset 5 à 11. Frère, tu peux lire à haute voix. Tu vois bien. Je vais essayer. Oui, je vais lire alors. Me suivez donc dans votre Bible. Il y a des sujets choquants dans cette Bible, ces sujets choquants, mais que les gens ne veulent pas, ils veulent pas comprendre. Même pas fortement là. On y va. J'étais laissé entrer. Nous sommes au verset 5. Nous sommes au verset 5 du chapitre 1 de Tite. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Vous y êtes, hein? J'étais laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Maintenant, regardez-moi bien. Très attentivement. Regardez-moi bien. Vous aimez la vérité, non? Oui. Ok. Vous avez remarqué que les anciens sont établis dans chaque ville ou bien dans chaque église? Dans chaque ville. Nous avons des problèmes, non? Là, nous avons des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, chaque dénomination a ses anciens. J'étais laissé en Crète afin que selon mes instructions, qui parle, frère? La personne qui connaît le conseil de Dieu. Mm-hmm. Selon mes instructions, tu établis les anciens dans chaque dénomination. Non. Dans Donc, écoutez très attentivement. Donc, l'ancien d'après la Bible, dirige l'église de la ville. N'est-ce pas, mes frères? Mm-hmm. Maintenant, nous sommes à Namur. Montre-moi l'ancien ou bien les anciens de Namur. Joseph. L'archidiocèse qui est à Namur, qui coiffe ça? L'archidiocèse. Ah, ça, c'est le catholique. Ok, et le modérateur, l'église protestante ici, c'est qui? Qui coiffe? Maintenant, si le gouvernement va chercher les membres de l'église, les grands chefs, on va chercher Joseph? Non. On le connaît, on ne le connaît même pas. On ne le connaît même pas. Donc, on a un problème. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut la révolution de pensée. Il faut la pensée renouvelée des écritures pour comprendre ces choses. Donc, les anciens sont établis parce qu'une localité ou bien une ville prend l'église pour nom. Parce que l'église est géographiquement limitée par la localité. Donc, église d'Éphèse. Éphèse est une localité. Et là-bas, la Bible déclare dans Actes chapitre 20, verset 17. Et 17, pendant des millénaires, l'apôtre Paul envoya appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Où est-ce, n'est-ce pas? Parce qu'à Éphèse, il y a une seule église. L'église, le territoire d'Éphèse, l'ensemble des chrétiens qui sont là-bas ont des anciens. Mais comment avons-nous aujourd'hui? Un pasteur se lève et dit que j'ai établi mes anciens. Il dit ses anciens. Voici mes anciens. Eux, ils portent le blanc. Dans un autre quartier, là-bas, l'autre porte le gandourade noir. Je pose la question, lesquels sont de Dieu? Personne. Nous avons nos problèmes. Mais ils prêchent qui? Jésus. Nous avons des problèmes. Quand vous les rencontrez, vous voyez comment vous prêchez, ils sont fâchés, non? Oui. Pourquoi ils sont fâchés? On continue, frère. Ok, je continue encore ce que mon père, mon grand frère a dit ici. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Puis il va donner les conditions. C'est les conditions qui sont très amusantes. S'il se trouve quelque homme, quoi, un irréprochable, vous y êtes, mari d'une seule femme. Et aujourd'hui, vous entendez que les femmes passent après les femmes de quelqu'un d'autre, un mari, et ainsi de suite. Vous avez vu, non? Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Ce sont les enfants qui passent le temps dans leur rébellion. D'autres ont tressé les cheveux, ont percé leurs oreilles. Ils se couchent les unes les autres et les uns les autres. Pas vrai? Continuons. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier. La suite, c'est quoi? Ami des gens de bien, modéré, juste, sain. Saint d'Altempête. Maintenant, écoutez le sommet. Attaché à la vraie parole. Vraie parole telle qu'elle a été enseignée. D'après les règles des Saintes Écritures, les anciens doivent implémenter la même chose qui a été. Ils n'ont pas de doctrine nouvelle à apporter. Vous voyez cela? Je pose la question. Les modèles de l'ancien sont établis aujourd'hui en fonction de l'écriture ou en fonction des dénominations. De notre aide aujourd'hui. Oui. C'est en fonction des dénominations. C'est en fonction des dénominations, ça veut dire que ce que nous sommes appelés saine doctrine, en regardant les autres, ne doit pas être fait. Nous allons regarder à la lumière de la parole. Donc, avant d'avancer au niveau des prédications des saines doctrines, il faut regarder le niveau de l'établissement et de l'appel. C'est par là que ça commence. D'accord? Parce qu'il y a deux volets, deux niveaux d'instruction, deux niveaux de compréhension de ces choses, de pourquoi ça arrive. La première chose que j'en ai détaillée, c'est le fait au niveau de l'appel, que nous avons des problèmes au niveau de l'appel et des ministères. Et si nous avons des appels au niveau du ministère, il faut donc comprendre tout naturellement que c'est tout naturel que les choses soient biaisées comme ça, mélangées. Vous me suivez, frère? Amen. Alors maintenant, quand vous allez voir maintenant n'importe quel pasteur, vous allez le voir n'importe où. J'ai rencontré, au Cameroun, je partais au nord du Cameroun pour prêcher dans le train. Je crois que j'ai raconté ça plusieurs fois. Il y avait un pasteur parce que à ce moment j'avais laissé ma barbe exprès parce que nous allions dans la zone musulmane. J'étais avec un frère, on avait fait exprès. Je laisse ma barbe. Il avait sa Bible, j'avais le Coran plutôt. Donc on était assis dans le train, les gens étaient venus nous regarder, oh, c'était bizarre. Sur la table du train, j'avais mis mon Coran pour lire, il a mis sa Bible. On était calme là-bas, les gens étaient dépassés, ils se disaient, mais un musulman et un chrétien, ils font quoi face à face en voyageant sur les longues distances. Mais nous deux, nous savions ce que nous étions de faire. Et subitement, un pasteur est entré, il était assis là-bas, et puis mon frère, notre frère allait entrer et discuter avec eux. Pendant qu'il discutait, je suis venu, je me suis mis debout. Vous savez ce qui se passe? J'ai commencé à parler comme un musulman. En tout cas, j'entendais les discussions et puis je suis venu dire que pardon, excusez-moi, je suis sûr que celui-ci il a raison. Il s'est tourné, le pasteur s'est tourné, m'a regardé debout comme cela. Il dit, mon ami, quand on discute des choses des chrétiens, ne viens pas nous perturber. Comme il a vu le Coran, j'ai arrêté le Coran pour qu'il voit essayer de traduire le Coran. Quand il a vu le Coran avec mon gandoura et puis avec ma barbe, il était convaincu que j'étais musulman. Vous voyez, il a dit que quand il a commencé à se tourner vers moi, il dit que non, mon frère a dit que non, il faut bien entendre ce qu'il dit. Il dit oui, ce qu'il dit, il a raison. Et puis j'ai avancé en disant effectivement que dans la Bible, Jésus lui-même qui a aveuglé Israël, il a failli déchirer sa Bible. Vous voyez cela? Après, le pasteur dit qu'il avait 5 églises. Il a dit les églises à Yaoundé. Il a fait comme ça en faisant sa veste encore comme ça pour montrer que c'est une grande personnalité. Il a dit que c'est écrit où? Il a dit, pasteur, ouvre ta Bible. Il a ouvert. Il a dit, Esaïe, chapitre 6. Il a vu là où le prophète Esaïe a vu Jésus pour la première fois et la commission de Jésus d'aller aveugler. Quand il a lu ça, il a tapé sa Bible, il a quitté la salle. Il a commencé à courir dans la salle comme ça. Il a dit, pasteur, viens prendre ta Bible. Tu vois, voici un pasteur qui enseigne des gens, qui a ouvert les églises, qui a même les écoles. Je prends son cas parce que c'est très grave. Parce qu'il se vante qu'il a même l'école de théologie. Parce que la formule maintenant, c'est que quand quelqu'un crée sa dénomination, il crée au moins directement l'école du ministère pour dire qu'il forme ses pasteurs. Ils s'en vantent. C'est pour leur propre gloire. Alors les basiques comme ça des Saintes Écritures, l'aveuglement d'Israël, la restauration d'Israël, la chute d'Israël, la restauration plus tard, l'intégration des païens dans la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas ces fondamentaux. Je pose la question, qu'est-ce qu'il enseigne à ses pasteurs? Ouais, ça, frère. Donc, qu'il soit raffiné. Maintenant, rentrons dans les Saintes Écritures et voir les confrontations avec le Seigneur Jésus. Si nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 22, Nous allons voir effectivement que la Bible déclare que les Hérodiens sont venus attaquer Jésus-Christ dans les questionnements. Les pharisiens sont venus attaquer Jésus-Christ dans les questionnements. Il leur a répondu. Les Sadducéens sont venus attaquer le Seigneur avec le questionnement. Ils ont dit, Moïse a dit que si un homme épouse une femme et qu'ils n'ont pas d'enfant et qu'il meurt, la femme, le mari, le frère de cette femme doit prendre son mari. Il a fait comme ça en donnant l'exemple pour les sept frères. Pas vrai? Après, il pose la question à la résurrection duquel sera le mari de cette femme puisque tous l'ont connu. Quand ils ont dit comme ça, vous voyez le summum de leur doctrine. Le summum de leur doctrine, ça veut dire que voici la preuve évidente qu'il ne peut pas avoir de résurrection. Frère, ils ont enseigné comme ça pendant plusieurs années. Ils ont eu des débats à Jérusalem avec les pharisiens. Les pharisiens n'ont pas pu les convaincre qu'il y a la résurrection. Mais ils étaient mal barrés parce qu'ils posaient la question à l'auteur de la vie. Amen. Le Seigneur leur a dit que vous êtes dans l'erreur. Pas vrai, frère? 1 Jean chapitre 4. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, notre Père, vous bénisse. 1 Jean, chapitre 4. Vous y êtes? Mon frère, lis-nous le verset à partir du verset 1. Dans le verset 1 à 6. Allons-y. Chapitre 4. Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. Oui. Mais éprouvez les esprits. Oui. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Reconnaissez ceci l'esprit des dieux. Reconnaissez à ceci l'esprit des dieux. Mmh. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est des dieux. Mmh. Et en tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas des dieux. Mmh. C'est celui qui est l'Antichrist. Mmh. Dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui. Vous, petit enfant, écoutez très attentivement. Vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Donc en fait, tous les enfants du Seigneur ont vaincu tous ces faux prophètes. Continuons. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Beaucoup de personnes confessent ces versets sans comprendre le pourquoi on les dit. Donc, tu as mangé le feu, tu as déjà mangé les fausses doctrines, on t'a vaincu. Ouais. Donc, on fait seulement comme ça quand on a entendu qu'il y a les sorciers dans la famille. On commence à réciter que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour se convaincre que le sorcier n'a pas de péché. On a dit ici que veillez plutôt sur les enseignements. Continuez ici, frère Lee. Eux, ils sont du monde. Oui. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Oui. Et le monde les écoute. Donc, quand ils parlent d'après le monde les écoute. Continuons. Nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. Et il conclut avec la formule. C'est lui qui n'écoute pas Dieu. Non, c'est lui qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Oui. C'est par là oui. que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de la vérité. Donc maintenant, allons-y maintenant doucement. On commence par la fin pour revenir de le début. Donc il y a l'esprit d'égarement, donc l'esprit de vérité. Dans notre version, c'est l'esprit d'erreur. Donc il y a l'esprit d'erreur et l'esprit de la vérité. Il n'y a que les deux là. Vous avez vu, on a mis un troisième. Ok. Donc ça veut dire que sur la terre, en ce qui concerne l'enseignement, d'abord, mettons d'abord un voile. Pour expliquer quelque chose. La Bible nous dit déjà, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 24 à 26, que si quelqu'un, il est dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 3, que si quelqu'un est voilé ou bien s'oppose à la vérité, Satan l'a captivé et mis en cage. Donc, si vous voyez quelqu'un sur les antennes, croisant les pieds comme ça, en disant, en interrogeant Jésus-Christ n'a jamais existé, c'est des histoires. À cet instant-là, sachez que c'est un sataniste. Même s'il est éloquent, n'importe comment, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire redresser les adversaires avec condescendance, dans l'espérance que Dieu leur accorde la repentance et que, revenus à eux-mêmes, ils se dégageront. Vous voyez cela? Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Donc, le diable s'est emparé d'eux. Donc, ces catégories-ci, on les met hors de côté. D'accord? Donc, il y a des gens que Satan a déjà emparés. Ces gens-là, ce sont les gens qui peuvent parler n'importe quoi de la Bible. Dit que la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit. Ceux qui croient à la Bible sont les laveurs de cerveau, ainsi de suite. Maintenant, nous parlons maintenant de ceux qui viennent avec cette même Bible, c'est pour prêcher. Pour parler de la doctrine. Alors, la Bible déclare qu'il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Maintenant, les deux esprits ne peuvent pas être guidés par la même personne. Ou mieux, les deux esprits ne sont pas coordonnés par la même personne. Je vous pose la question. Qui coordonne l'esprit de l'erreur? Le Satan. Quel est son but? Eh bien, vous voyez, de prêcher la... Détourner les... Oui. Prêcher l'erreur et puis égarer le peuple. Prêcher l'erreur. Maintenant, vous avez vu maintenant que l'erreur que Satan fait consiste à déplacer la vérité à quelques virgules près. C'est tout simplement cela. Mm-hmm. Les Sadducéens dont je parlais dans l'exemple ne disaient pas que la loi de Moïse est fausse, que non. Ils ne disaient pas que Dieu n'a pas parlé à Moïse, que non. Parce que c'est dans la loi de Moïse... C'est quoi? Je crois que l'enfant veut qu'on prenne la loi une pause. On fait comment? Elle dormait, non? Non, mais toi, elle doit aller dormir. Abigail, viens. Abigail, viens. Laissez-la venir. Viens, bébé, viens. Viens, les gens dérangent trop. Viens, bébé. Viens. Elle a pris son cru. Elle veut partir. Viens, bébé. C'est parti. Souvenez-vous, là on a arrêté parce que là on va continuer. Et souvenez-vous qu'il y a deux choses qui sont closées. Voici là, il y a miséricorde ici. Et ici il y a. Ici il y a la deuxième chose. Hein? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il a dit condamnation. Non, il a fait des miséricordes. Mais c'est écrit là-bas, voilà ça. C'était pas encore là. Oh là là, elle va arriver et encore. C'est l'esprit de l'erreur qui fait ça, n'est-ce pas, frère? Non, mais avec un biscuit ou bien avec un pichot. C'est vrai, parce que j'avais dit biscuit. On peut continuer. Mm-hmm. Donc, je commence encore. On était où? Vous êtes fatigué? Alors, donc, tu dis donc que ces gens-ci, dans les Sadducéens, dont nous parlions dans le livre de Matthieu, où j'ai pris l'exemple, ne rejetaient pas totalement le livre de Moïse. Ils avaient pris des portions qui les arrangeaient. C'est certaines portions qui pensaient que ça ne devrait pas être dit. Un peu comme vous allez voir les gens aujourd'hui qui se trouvent sur YouTube, et ils prennent la Bible, ils disent que ici c'est pas c'est faux. Vous avez des gens qui développent. En disant par exemple qu'il n'y a plus de baptême dans la Bible. Si quelqu'un vient de prêcher qu'il y a le baptême, c'est que c'est faux. Mmh. En disant que l'apôtre Paul, Pierre a contredit Jésus. Donc, et ils disent même qu'ils ont l'authenticité de la Bible. Mais ils ne présentent jamais cette authenticité de la Bible. Mmh. Mais quand ils veulent lire, c'est toujours dans cette même Bible, ce que nous disons qu'ils lisent. Mais quand ça n'arrange pas la doctrine, il faut qu'ils tournent la doctrine comme ils veulent. Mmh. Vous voyez, vous comprenez, n'est-ce pas? Et ils voient effectivement comment la Bible parle dans 1 Samuel chapitre 16 en parlant de le mauvais esprit venant de Dieu. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle par mauvais esprit venant de Dieu. Mm-hmm. Ils voient que Dieu a gardé un mauvais esprit jeté sur les gens. Mm-hmm. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, c'est l'esprit d'égarement que Dieu a balancé sur ces personnes-là justement pour qu'ils enseignent la fausseté. Parce que leur cœur est plongé dans les ténèbres. Alors, je disais donc que ces gens-ci de Matthieu chapitre 22, les Sadducéens principalement, ceux qui nous intéressent, ils avaient la loi de Moïse. Ils avaient donc le Tanakh. Vous voyez, ils pouvaient donc lire à l'intérieur. Mais quand ils arrivaient au niveau de lorsque Dieu parlait à Moïse dans les flammes de feu, parce que là, eux, ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection. Mais la question, c'est en lisant dans l'Ancien Testament, ne voyaient-ils pas comment Dieu a prévu la vie éternelle depuis l'Ancien Testament? Non. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont commencé à concevoir leur doctrine, donc la doctrine de la non-existence de la résurrection à base de ces raisonnements. Donc, le raisonnement selon lequel Moïse a dit que si un homme meurt et qu'il n'a pas conçu d'enfant, je continue, que le petit frère de cet homme-là prenne la femme et en donne l'enfant la possibilité pour garder le nom. Ils avaient raison parce que Moïse a dit cela. Alors ils ont continué leur raisonnement dessus en basant le raisonnement sur les choses de Dieu. Et ça a créé le pied d'achoppement. Je pose la question, s'ils ont vécu 30 ans avant que Jésus ne vienne, toutes ces personnes qui ont conclu et cru à cette doctrine ont cru à quoi? Lisons Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Souvenez-vous que vous êtes en Europe, vous tapez la police, viens ici vous prendre l'enfant, c'est votre problème. Vous voulez taper, arrivez à l'aéroport de Doha, là vous le tapez bien. Le policier va seulement dire, madame, si elle est têtue, corrige-le bien. Alors maintenant nous allons lire verset 23 et suivant de Matthieu 22. Je vais lire. On y va. Matthieu 22, à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens. Écoutez très attentivement. C'est merveilleux, c'est ce que vous voyez dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Écoutez. Ah, oui, je peux prêcher ça. Je me sens vraiment bien. Regardez comment le Saint-Esprit dit. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et firent cette question. La façon que le Saint-Esprit présente les Sadduciens dans la Bible, où vous voyez effectivement qu'on a de présenter leur doctrine phare. Mm-hmm. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah, ils vont dire quoi? Jésus n'est pas Dieu. Mm-hmm. Il n'y a plus de miracles. Le paradis, c'est sur la terre. Les 144 000, ce sont les oies du royaume. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont trouver toutes les astuces. Ça. Ils ont des enseignements, qu'ils ont des avenirs, qui sont les bases, qui ne peuvent pas changer. Pas vrai? C'est en cela donc, que ça constitue donc, la religion, le plume du peuple dont on parlait, les philosophes. On y va? Tout le monde ici. Donc la Bible déclare verset 23, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Donc ça veut dire que les Sadducéens sont caractérisés. Quand tu dis que tu es Sadducéen, on sait automatiquement que tu crois qu'il n'y a pas de résurrection. Mm-hmm. Si tu me dis maintenant que je suis témoin de Jéhovah, je sais automatiquement que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Mm-hmm. Si je dis que je suis catholique, je dis oh, il est pris qui? Marie. Si je dis que je suis adventiste du septième jour, je dis oh, il respecte qui l'or, l'or. Le sabbat. Mm-hmm. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Si on dit que, oh, je suis l'église réveillée, ce sont ceux qui font le bruit. Pas vrai? Donc, on connaît les doctrines phares de chaque personne. Pas vrai, frère? Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Maintenant, quand vous venez avec la doctrine, vous dites, je n'ai pas d'église. Nous lisons la Bible, nous croyons. Ça sera surprenant. On va commencer à dire, mais vous sortez d'où? Vous voyez? Parce que vous n'avez pas de dénomination. Comme il n'y a pas de dénomination, on ne peut pas vous dénommer. Et par contre, on ne peut pas vous choisir, on ne peut pas vous quantifier. Donc, les gens qui n'ont pas de dénomination sont les mystères. Maintenant, regardez verset 24. Maître. Regardez. Ils sont venus faire la question à Jésus. Maître. Il appelle même maître. Mm-hmm. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Mm-hmm. Or, ça c'est ce que Moïse a dit. Si vous lisez Deutéronome chapitre 25, verset 5, ça se trouve là-bas. Mm-hmm. Maintenant, voici ce que Moïse a dit. Dans ces cas, le deuxième volet, c'est l'école de théologie, leur doctrine interne qu'ils ont fait. Or, il y avait parmi nous, les Sadduciens. Sept frères. Le premier s'est marié et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. Regarde le verset 28. À la résurrection. Maintenant, souvenez-vous, ils ne croient pas à la résurrection. Voilà. Dans leur doctrine, les questions sur leur raisonnement, c'était le piège. Alors, quand quelqu'un va venir dire que Jésus n'est pas Dieu, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire à la croix, lis un peu Matthieu 27. Tu lis, dis que Jésus qui dit Élie, là-bas, ça va t'en aller. Qui parle? Tu dis c'est Jésus. Qui priait qui? Quand tu ne crois pas la Bible, tu dis hey, ça ne peut pas être parce que Dieu, Jésus ne peut pas dire mon père. Tandis qu'il appelle une autre personne. Quand Jésus dit mon père qui est plus grand que moi, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la Bible. Quand ils n'ont pas la compréhension de la Bible, ils vont baser leur construction sur les redénominations, sur les raisonnements. Mais maintenant, je vais vous faire comprendre que le système n'a pas changé. Ils ne disent pas quelque chose qui est faux de l'écriture. Ils prennent une portion de l'écriture, amènent le raisonnement pour tordre la compréhension. Mm-hmm. Exactement la chose qui se passe aujourd'hui. Ah, Jésus, quand il est sorti de l'eau, on a entendu voir une dalle au ciel, n'est-ce pas? As-tu compris dans la chose? C'est la même chose que nous allons comprendre maintenant. Je dis que les gens qui ne comprennent pas amènent le raisonnement et l'esprit de l'erreur les conduit dans la fausseté. Mm-hmm. On arrive, frère. Mm-hmm. Maintenant, il continue. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle dont la femme? Car tous l'ont connu. Il veut dire, quand vous dites qu'il y a la résurrection là, dites-nous, à la résurrection, quand ça va sortir, le grand frère va dire que c'était ma femme, l'autre va dire que c'était ma femme. Donc, vous voyez, il veut dire que vous voyez la bêtise de la résurrection, non? Mm-hmm. Verset 29. Jésus leur répondit, 1, 2, 3, allons-y. Vous êtes dans l'erreur. Jésus a sanctionné leur doctrine par l'erreur. Donc, qui les conduit depuis? L'esprit de l'erreur. C'est-à-dire, qui les conduit depuis? Satan. Voilà. Satan. Vous voyez ça, frère? Vous voyez? Donc, ceci, leur raisonnement venait de Satan. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils étaient amenés dans l'erreur? Si vous lisez le livre de 1 roi chapitre 22, le cas d'Imiché, fils d'Injimla, quand il sera au conseil de Dieu, il va voir comment un esprit va dire, je serai un faux prophète, je vais un esprit de mensonge dans la bouche du prophète. Quand ils étaient là, les faux prophètes n'étaient pas là. Mm-hmm. Et il a dit, Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes. Un prophète dit que, merde, moi si, qui a reçu la formation accélérée dans la croyance, pam, pam. Où est-ce que l'esprit est sorti sur moi pour venir sur toi? Donc tu veux dire que je suis prêt de mensonge? Vous comprenez ça, frère? Ainsi parle le Seigneur. Monte en Gala, à Rome, en Gala, tu vas vaincre. Il parlait, il était sérieux. Mm-hmm. Vous comprenez cela? Mais il dit ainsi parle le Seigneur. Donc il parlait, le faux prophète parlait au nom de l'Éternel. Élisée, enfin, Michel était là-bas, il a regardé, il a dit, oui, montez alors, vous allez voir. Maintenant, souvenez-vous de ceci, un esprit les parlait. Et dans cet endroit, nous voyons effectivement l'esprit de l'erreur qui les conduisait. Vous comprenez ça, frère? Mm-hmm. Maintenant, Jésus commence par, vous êtes quoi? Mm-hmm. Deuxième chose. Parce que vous ne connaissez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Vous avez vu? Donc voici donc les docteurs donc, qui sont dans, totalement dans l'ignorance. Il ouvre les écoles de théologie pour former les gens qui n'ont pas la résurrection. Mm-hmm. Vous voyez pourquoi dans Matthieu chapitre 23, il va commencer en disant malheur à vos scribes. Parce que vous parcourez ciel et terre pour faire des prosélytes. Et quand vous en avez fait des prosélytes, vous enlèverez deux fois les candidats dignes pour que vous-même de la géhenne. Donc ils envoient les doctrines de leur aide à l'intérieur, ils développent ça bien. Pour que la personne n'entre pas au ciel. Et du coup, vous les empêchez même d'entrer alors qu'on n'y entrait pas. Donc ils ont déjà cimenté leur doctrine. On ne peut pas changer ça. Frère, voici les gens qui sont dans l'erreur, des grandes personnes. Qui ont fréquenté, qui ont mis leur tout dans leur doctrine, croix, ils ont construit certainement, parce qu'ils avaient chaque personne la synagogue. Ils ont mis leur tout pour construire la synagogue, mais tout ça, c'est des tombeaux blanchis. Alors, puis-je me permettre aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de dire que lorsque quelqu'un, fût-il un docteur, quelqu'un de responsable, dit quelque chose contre la parole de Dieu, il est conduit par Satan, puis-je dire cela? Amen. Alors, Jésus leur dit. Leur répondit, vous êtes dans l'erreur, hein, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. C'est quand même terrible. En réalité, les passages que Jésus va prendre pour leur expliquer que c'est la résurrection, en réalité, il faut la révélation là-bas pour comprendre qu'effectivement, on parle de résurrection. Vous voyez? Donc, non seulement ils ne comprenaient ni les Écritures, ni ce que les Écritures disaient de la résurrection, ni la puissance de Dieu, parce que Dieu est capable de ressusciter. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes, des maris. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ceci, c'était nouveau. Vous voyez? Ça, c'est nouveau. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un imaginait la résurrection, il disait que quand je vais ressusciter, je vais prendre ma femme grâce, on continue dans notre vie là-bas. On ne doit pas écocher les enfants dans la résurrection, il n'y a pas de sa femme spirituelle. Non, non, non, non, il ne doit pas avoir cela. Donc, il aurait fallu tout simplement que les pharisiens, ça, eux, ils sachent qu'en réalité, à la résurrection, il n'y a pas de mariage. S'il fallait, on disait depuis la première fondation de la vie des Sadducéens que non, à la résurrection, il n'y a pas de mariage, leur doctrine tomberait depuis. Mais ils ne savaient pas qu'à la résurrection, il n'y a pas de femme. C'est pour ça qu'il a dit, ok, si vous dites qu'il y a la résurrection, qui va marier cette femme-là, puisqu'ils tous l'ont connue. Donc, il n'y a pas la continuation du mariage après la résurrection. La doctrine est tombée. Mais, d'où vient la doctrine? De Lucifer. Vous avez ce frère? Maintenant, Jésus va le respecter. Pour ce qui est de la résurrection des morts, donc, il dit, si vous voulez comprendre l'enseignement sur la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Donc, ils ont effectivement lu ça dans la Bible. Et Jésus va citer ce qui est écrit dans les Écritures. Frère, donc, vous pouvez lire les Écritures littéralement sans jamais comprendre ce qu'il en a dit. Il dit pour ce qui est de la résurrection. Donc, il veut dire le passage là parle de la résurrection. Ouais. Mais vous avez lu, vous n'avez pas compris. N'avez-vous pas lu ce que Dieu dit dans les Écritures? Dieu vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'imagine qu'à un moment donné, quand il discutait dans la discussion, on parlait de la résurrection, il dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ne permet pas cela. Ça n'est pas écrit comme ça. En disant, ce n'est pas des résurrections. Ouais. Mmh. Quand il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, où sont ces trois-là? Physiquement, ils sont morts physiquement. Ouais. Mm-hmm. Mais maintenant, s'ils avaient bien lu la Genèse, Dieu a dit, tu vas être réuni à tes pères. Mm-hmm. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. On dit que Abraham fut recueilli auprès de ses pères. Mm-hmm. Il devait se poser la question, recueilli auprès de ses pères, comment? Pas vrai, frère? Mm-hmm. Jacob fut recueilli auprès de ses pères. Au recueilli, on dit recueilli, on le prend pour le mettre quelque part. Ouais. Donc, ça veut dire que le silence de la mort, le sommet de la mort, ce n'est qu'une transition. Mmh. Vous comprenez cela? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Et puis, il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc Abraham, Isaac et Jacob, dont vous venez de parler, sont vivants. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce qui arrive. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Donc, ça a fait la séparation maintenant. Les gens disent, maintenant, je suis plus sadducéen. Alors, je pose donc la question. Vous pensez que la population qui écoutait, les pharisiens disaient, d'après la loi de Moïse, vous devez faire des choses. Les sadducéens disaient, d'après la loi de Moïse, ils prêchaient Moïse, parce que ce n'est que Moïse qui devait prêcher. Mais il y avait divergence. Je pose la question. Les pharisiens avaient été appelés par Dieu? Oui ou non? Les sadducéens avaient été appelés par Dieu? Non. Qui leur donnait autorité sur l'écriture? Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Donc, la même chose qui s'est passée. Donc, voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que la loi de Moïse, Dieu avait appelé un peuple à lui, les sacrificateurs, le groupe d'Aaron, que ce soit à eux, avec eux qui devaient enseigner. L'apôtre Paul dit que lui, il est pharisien, fils des pharisiens. Mais il est de la tribu de Ben de Benjamin. Qu'est-ce qu'il a à foutre Marie dans les Écritures au point où il l'a pensé ça aux gens? Alors que Dieu avait donné ça aux Lévites et aux sacrificateurs. Mmh. Vous voyez là où ça s'est retrouvé, n'est-ce pas? Mmh. Dieu n'a pas choisi une autre tribu autre pour être dans le sacerdoce. Mais les voilà maintenant. Quelqu'un se dit que je suis sacrificateur, j'enseigne la doctrine de Dieu. Dieu t'a envoyé. Donc, voilà, donc la même façon que dans chez les Juifs, les gens étaient autoproclamés au point où ils ont pris la parole de Dieu en otage pour implémenter les doctrines. Même façon, les dénominations ont fait la même chose aujourd'hui. De telle enseigne que le prophète Isaïe pouvait à juste titre prophétiser au chapitre 28 d'Isaïe que toutes les tables sont pleines de vomissures. Ce n'est que précepte après précepte. Un peu par-ci, un peu par-là. Vous voyez, il n'y a plus de place. C'est des vomissures. Mm-hmm. Tu prends n'importe où, tu vas seulement voir qu'arrêter les arachides dans les vomissures. Mm-hmm. Tu pars par là, c'est le haricot avec les vomissures. Donc un peu de doctrine mélangée avec du poison. Mm-hmm. Qu'est-ce que quelqu'un doit faire? Il dit sortez du milieu d'eux. Donc en réalité, la sainte doctrine est vraiment prêchée sur la terre. Il va réunir les enfants dont il est question. Mm-hmm. D'accord, mon cher frère? Mm-hmm. Deuxième volet maintenant de la chose. Donc nous avons résolu le problème. Il y a des gens qui se sont auto-proclamés que Dieu n'a pas donné. Mm-hmm. Par conséquent, cette personne s'est introduite de fausses doctrines, comme mon grand frère l'a dit dans un chapitre 20 en apparant les anciens. Il leur a dit que vous, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je suis pur du sang de vous tous. Mm-hmm. Puis il dit, se lèvera du milieu de vous. Mm-hmm. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui enseigneront des doctrines pour amener les gens avec eux. Vous avez vu ça, frère? Mm-hmm. Maintenant, il a donc dit que le solide fondement a été établi. On ne peut pas enseigner une autre doctrine. Mm-hmm. Donc la doctrine qui a été enseignée, c'est ça qui sera enseigné. C'est en cela qu'on regarde si quelqu'un est conforme à la parole, oui ou non. Une année, il y avait une fille qui m'avait écrit en disant que frère Junior, il m'appelle frère, c'est quand même curieux ça. Frère Junior, montre-moi dans la Bible de façon littérale où le serpent a eu le rapport sexuel avec Ève et je crois. Ces questions sont évidentes. Je peux les répondre, bravo. Mais pour les montrer que je réponds selon mon Seigneur, il dit que montre-moi d'après les Écritures où c'est écrit dans l'Ancien Testament que Christ devait être crucifié. Après la résurrection du troisième jour, il devait être annoncé à Jérusalem. Alors, commençant par Jérusalem et dans le monde entier. Où on tout ça littéralement, je crois que jusqu'à moi à la croix. Jusqu'à moi à la croix, frère. Il est ressuscité le troisième jour. La repentance a été prêchée à partir de Jérusalem. Okay. Maintenant, il dit que c'est écrit dans les psaumes comme ça. C'est écrit dans les prophètes, dans Moïse comme ça. Vous pouvez voir cela. Pourtant, c'est écrit partout comme ça, littéralement. Enfin, littéralement, avec la littérature du royaume. Vous voyez cela? Donc, alors ne va pas dans la vie parce que tu as lu et souligné que non. Tu peux souligner ça là, tu passes sur tout ce que Dieu a en train de dire. Mm-hmm. Parce qu'il ne savait pas de lire l'écriture. Il faut lire l'écriture et que le Saint-Esprit illumine l'écriture pour toi. Mm-hmm. S'il n'illumine pas tout ce que tu lis là, tu as de faire des histoires. Mm-hmm. Pas parce que donc on lit en bas. Parce que ça dépasse l'entendement. Mm-hmm. Vous voyez cela? On peut continuer, mon frère. Mm-hmm. Premier volet dont je recommence. Premier volet du fait qu'il y a cette cacophonie sur la terre des faux serviteurs qui se sont autoproclamés pour introduire des sectes pernicieuses. Mm-hmm. D'accord, frère? Mm-hmm. J'ai dit en ajoutant à cela l'ego des gens qui veulent se présenter eux-mêmes pour représenter Dieu. Mm-hmm. Le deuxième volet de l'explication, c'est que les prophéties bibliques disent que ça doit être ainsi. Mm-hmm. D'accord? Les prophéties bibliques prophétisent que ça devrait être ainsi. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont venir enseigner des choses pour détourner les disciples. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce qui est écrit. Mm-hmm. Donc, d'un côté, on voit que les faux docteurs sont censés venir. De l'autre côté, on peut dire effectivement qu'ils doivent être venus pour faire ces choses-là. Et on dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Maintenant, quelle est la marque donc que le Saint-Esprit nous a donné de remarquer? Il dit, portez le regard sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Mm-hmm. Donc, les premiers sont les modèles. Alors, en regardant le sillage, en regardant le paysage, on doit amener les gens au même pied d'égalité pour regarder s'ils marchent d'après la doctrine initiale. Si c'est pas cela, si vous voulez mettre le sentiment, souvenez-vous, il y a l'esprit d'erreur et l'esprit de la vérité. Amen. On prend une pause de 5 minutes et on revient. Que Dieu vous bénisse.